Le 5, à Séoul, le comité de lutte de Songju contre la disposition de SAD en Corée du Sud, le comité de mesure des citadins de Kimcheon contre la disposition de SAD, le comité de mesure extraordinaire pour la défense du lieu sacré de Songju du bouddhisme Won, l'action nationale contre la disposition de SAD et l'action de la population extraordinaire pour la démission du pouvoir de Bakune ont tenu une conférence de presse devant le bureau du parquet spécial pour réclamer une enquête sur des problèmes de disposition de SAD. Par ailleurs, le journal d'internet sud-coréen La Voix de la Population a inséré un éditorial le 6 courant invitant à considérer la destitution de Bakune comme occasion importante pour faire table rase de la formule de couleur.